LSD, la série documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez comprendre votre bébé, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour le Baby Blues ou nous réécouter quand les enfants auront quitté la maison, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD, la série documentaire, pour voir des images de l'intérieur de la maison de la radio. Demain, dernier épisode... Et le langage vient.